بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا وأن يسددنا جميعا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل وبعد Donc on va continuer inshallah sur l'étude du livre les règles exemplaires concernant les noms et attributs divins de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Donc on est toujours sur l'étude de la sixième règle, concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans la cinquième règle, après qu'on a appris que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se limite au texte et dont il n'y a pas de place à la raison humaine pour l'affirmation et la confirmation de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que on ne peut pas inventer dans ce domaine. Les noms d'Allah Jalla wa Ala, on les apprend, on les tire directement des deux sources qui sont Al-Kitab wa As-Sunnah, du noble Coran et de la tradition prophétique. Et donc, ensuite, dans la sixième règle, l'auteur nous apprend aussi que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités à un nombre précis. Et donc, il a mentionné des textes concernant cela et on a évoqué ces questions dans les assises précédentes. Jusqu'à ce qu'on a terminé, avant d'évoquer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut retrouver dans le Coran et dans la Sunna, selon la recherche de l'auteur, de Cheikh Al-Uthaymeen, avant on termine sur la question concernant les récits qui nous sont parvenus, où il y a la liste, justement, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnés. Donc dans les cours précédents, on avait dit que les grands savants et les spécialistes dans le domaine disent qu'il n'y a pas un hadith authentique. Il n'y a pas de hadith authentique où il y a la liste des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si dans le hadith qu'on a appris, où le prophète Hassan nous dit « Inna lillahi tis'a wa tis'ina mi'at illa wahida isman » Allah détient 99 noms, celui qui les apprend mène arsaha dakhala al-jannah. Ça c'est la traduction littérale, mais on a expliqué le sens du récit dans les assises précédentes. Même si le prophète Hassan nous a évoqué le fait que celui qui mémorise apprend les 99 noms dakhala al-jannah, donc cela on a dit on peut les apprendre dans le Coran et dans la sunna du prophète Hassan. Et de ce fait, c'est pour ça que beaucoup de grands savants ont recherché concernant la question, est-ce qu'il y a un récit remontant jusqu'au prophète où il y a la liste? Où il y a la liste, justement, de ces noms. Vous avez vu, beaucoup se basent sur certains récits, sur une liste. Sauf que les savants, les grands spécialistes dans le domaine, comme ça a été dit par le cheikh de l'islam, disent que celle-ci n'est pas authentique. Et dans un livre célèbre, l'érudit Al-Hafidh Ibn Hajar mentionne justement les différentes voies où il y a mention de ces récits avec la liste. Et justement, c'est ces voies qu'on a étudiées. Il mentionne At-Tariq Al-Awwal, la première voie, c'est-à-dire la chaîne de transmission des transmetteurs qui mène vers le récit. Première voie est dit Min Tariq Abdelaziz Ibn Al-Hussein, d'après un homme qui s'appelait Abdelaziz, le fils de Al-Hussein, d'après un homme, il rapporte d'après un homme qui s'appelait Ayyub, Ibn Sirin, le célèbre grand imam Mohammed Ibn Sirin, qui était le fils de Sirin. On a dit son père Sirin avait été pris captif à l'époque par un grand compagnon. Et ensuite, son fils Mohammed ibn Sirin, depuis tout jeune ensuite, il a pris al-ilm al-shara'i, la science de la religion, comme c'était le cas pour Moussa ibn Nusayr, Moussa était le fils de Nusayr. Nusayr ensuite qui est devenu Moussa ibn Nusayr, plus tard devint célèbre. Devint célèbre puisque c'était le commandant à l'époque de Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad qui était célèbre. Comme on avait relaté cela dans une assise précédente. Et donc regardez cette voie, elle remonte. Cet homme, Abdelaziz, le fils de Al-Hussein, il rapporte d'après un homme qui s'appelle Ayoub, d'après un homme ou d'après le grand imam Mohamed ibn Sirin. Et Mohamed ibn Sirin, il rapporte directement d'après Abu Huraira. D'après Abu Huraira, et il dit le hadith, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah, Allahu ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ilah, al-Rabb, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم القيوم الواسع اللطيف إلى آخره. Vous avez vu là? Ils sont nommés, ils sont déterminés. C'est ça là, la liste. Ça c'est. Ensuite ça continue. J'ai lu une partie du récit. Hada, cette version-là, vous pouvez la retrouver dans Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dans son célèbre livre Al-Mustadrak d'Al-Hakim, qui rapporte cela. Waqila innama waqala, et lui dit innama ja'altuhu shahidan li hadithi al-Walid. Les hadiths al-Walid. Al-Walid, celui dont on a parlé dans les assises précédentes. D'où vient là la version et le récit. Et lui, Al-Hakim, il dit qu'il a cité ce récit-là pour renforcer le hadith de Al-Walid. Le hadith de Al-Walid, en quelque sorte. At-Tariq al-Thani, la deuxième voie que mentionne Ibn Hajar, fil Fath, wa huwa at-Tariq Abd al-Malik Ibn Muhammad al-Sana'ani. Il dit, deuxième voie qui est rapportée, والطريق عبد الملك بن محمد الصنعاني de la voix d'un homme qui s'appelait Abd al-Malik, le fils de Mohamed al-Sana'ani, qui rapporte d'après Abu al-Munzir, un homme qui s'appelait Abu al-Munzir Zuhair al-Tamimi. Zuhair al-Tamimi lui-même, cet homme rapporte d'après Moussa ibn Uqba. Cet homme rapporte d'après Moussa ibn Uqba an al-A'raj. Et lui-même, Moussa ibn Uqba, rapporte d'après le célèbre Al-A'raj. Al-A'raj rapporte d'après Abu Huraira. D'après Abu Huraira. Wal-Asmahiyya, et là, cette chaîne de transmission ensuite, donne sur la liste. Une liste de noms. Allahu, Al-Wahidu, Al-Samadu, Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batinu, Al-Khaliqu, Al-Bari, Al-Musawwiru, Al-Maliku, Al-Haqqu, Al-Salamu, المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. Et donc une laisse jusqu'à la fin du récit. Et la troisième voie que mentionne At-Tariq al-Thalith al-Hafid ibn Hajar rahmatullahi alayh, Tariq al-Walid ibn Muslim, la voie de al-Walid ibn Muslim, dont a fait allusion Cheikh Ibn Uthaymeen dans al-Qawaid, dans le texte al-Qawaid al-Muthaï, dont on a parlé. Et dont a fait allusion Cheikh Islam Temia et d'autres savants. At-Tariq al-Thalith, la troisième voie, c'est d'après Al-Walid ibn Muslim. Qala, qui dit Akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamza, An Abi Zannad, An Il-A'raj, An Abi Huraira. An Abi Huraira. Et donc, c'est d'après l'homme Walid ibn Muslim qui dit m'a informé Shu'aib ibn Abi Hamza, qui dit d'après Abi Zannad, d'après l'homme qui s'appelait Al-A'raj, d'après Abu Huraira. Il cite le récit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan ghayr wahid, ou ghayr wahida, man ahsaha dakhala al-jannah, huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, ar-Rahmanu, ar-Rahim, al-Maliku, al-Quddusu, al-Salamu, المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخره. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, je vous cite cela. Déjà, pour que on fait revivre le fait de, d'étudier les chaînes de transmission, puisqu'on est dans une époque où ça se perd. Les gens n'ont pas de connaissance des chaînes de transmission, n'entendent pas et quasiment jamais parler des transmetteurs dans des chaînes de transmission. Donc il est souvent louable de citer des chaînes de transmission pour se familiariser avec les rapporteurs de ces chaînes de transmission. Et ensuite, aussi, ça nous profite à savoir que ce qu'on apprend, on l'apprend en profondeur. Et de savoir ensuite pour ensuite comprendre le jugement des savants lorsqu'ils disent, par exemple, que les récits ne sont pas authentiques. Ils jugent les récits qui ne remontent pas jusqu'au prophète, et de savoir les causes et le pourquoi. Et à plus forte raison, ensuite, cela est ancré dans notre esprit. Et là, la personne est sur une clairvoyance. Elle est sur une science claire. Et donc, c'est pour ça qu'il rapportait que les savants disent que ces chaînes de transmission-là ne sont pas authentiques. Et donc, pour eux, il n'y a pas de chaînes et de récits authentiques prouvant que ces listes-là proviennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui est évoqué de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est ce qui est rapporté de Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, c'est ce qui est rapporté de Ibn Kathir. Ibn Kathir aussi, il est rapporté cela, ce jugement qu'on vient de dire de lui. C'est ce qui est rapporté de Cheikh al-Albani parmi les contemporains, Cheikh Abdel Qadir al-Arnaout parmi les grands savants contemporains, Fil'im al-Hadith al-Albani, Cheikh Abdel Qadir al-Arnaout, qui considère, rahmatullahi alayhim ajma'in, que le récit n'est pas authentique. Par exemple, la deuxième voie, vous avez vu, c'est la voie de Abdelmalik ibn Muhammad, la chaîne de transmission, la deuxième voie. La troisième voie, on l'a étudiée, c'était le Walid ibn Muslim, d'après Shu'aib ibn Abi Hamza, cette voie-là. La deuxième voie, c'est la voie de Abdelmalik, le rapporteur Abdelmalik, le fils de Muhammad al-San'ani, qui rapporte d'après Abul Manzir. Wisnad al-Tariq ibn Majah, et ça vous le retrouvez dans rapporté dans Ibn Majah, et Abd al-Malik, cet homme, Ibn Muhammad, qila annahu da'if. Da'if. Et la chaîne de transmission, celle-ci, a été jugée faible du fait que les grands spécialistes ont jugé que le rapporteur Abd al-Malik Ibn Muhammad était considéré comme faible. C'est pour ça qu'en conclusion, les savants disent que il n'y a rien d'authentique prouvant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une liste des noms divins. Donc ça, c'est une question importante. C'est pour cela qu'on a détaillé cette question. En ce qui concerne les récits, surtout le hadith de Al-Walid ibn Muslim, cet homme qui s'appelait Al-Walid, le fils de Muslim, on a dit que les causes défaillantes du récit pour laquelle les savants n'ont pas pu authentifier le récit, c'est qu'on a dit qu'il y avait différentes causes défaillantes. Premièrement, on avait dit « ikhtilaf al-asanid » et donc ça faisait ce qu'on appelle « al-tirab ». Al-tirab, on avait dit quel était le sens de « al-tirab » dans la science, la terminologie du hadith, et qu'est-ce qu'était un hadith « muttarib » et beaucoup de savants considèrent qu'il y a « ikhtilaf wa al-tirab » concernant le récit. Deuxièmement, on avait dit que le rapporteur, Al-Walid ibn Muslim, était considéré Muddallis. Muddallis, donc il y a, c'est la deuxième cause, il y a At-Tadlis. At-Tadlis dans le récit. Troisièmement, le cause, aussi on avait dit Al-Idraj. Al-Idraj. Ou Al-Hadith Al-Mudraj. Un hadith qu'on appelle Mudraj, c'est lorsqu'il y a des rajouts et des choses sont dites. Ce n'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit idraj, c'est un rajout du rapporteur. On a donné des exemples hier, c'est des rajouts du rapporteur. Et ça, c'est les trois causes en résumé pour laquelle on a pris que le récit n'est pas considéré authentique chez les savants. Pour cela, une fois qu'on a étudié cette question qui est très importante, pourquoi ? Parce que c'est important de savoir si on a un récit authentique du prophète. Pourquoi ? Parce qu'il y a des récits où là, il y a la liste. Sauf que les savants ne la considèrent pas authentique. beaucoup de savants, comme on l'a dit précédemment, jugent qu'elle est, faible. Sinon, il y avait là la liste de noms divins, la liste des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf comme on l'a pris ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen rajoute et dit le fait aussi que dans ces listes-là, il y a des noms, parmi les noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas mentionnés dans la liste. Pour cela, Cheikh a fait le travail, lui, il a fait le travail de, après observation du Coran et de la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de mentionner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a trouvé. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a trouvé. Et donc, il dit, ensuite, donc on va continuer, qala, après qu'il ait dit, ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف السلف فيه. Et donc, il dit du fait que donc il n'y a rien d'authentique dans la détermination d'une liste des noms divins. Donc, Cheikh ensuite il dit, en conclusion, du fait qu'il n'y a rien d'authentique dans la détermination d'une liste des noms divins, c'est-à-dire des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit pour ce fait que il a fait cette observation. Il va faire l'observation parce qu'il dit, attendu que les hadiths dénombrant les noms par le prophète Sam ne sont pas authentiques, les anciens, as-salaf, ont divergé à ce sujet. Il est rapporté d'après eux toutes sortes de dires. J'ai donc, il dit, réuni 99 noms que j'ai pu recenser du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de ce fait, lui, Shir, il va entreprendre le travail de chercher, comme il dit, donc il va entreprendre le travail d'essayer de réunir et de chercher les 99 noms qu'il y a dans, à travers le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va commencer la liste et il dit, à savoir que lorsqu'il dit وَقَدْ جَمَعْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِمَّا ظَهَرَ لِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc il dit, moi j'ai entrepris le travail de réunir parmi ce qui apparaît à mes yeux. Bon, lui, ce qui lui apparaît, selon lui. مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. Et donc il va d'abord commencer à citer du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ensuite il va citer ce qu'il a trouvé dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le texte, il ne va pas citer les preuves, c'est dans le commentaire. Dans le commentaire, il va citer, par exemple, pour chaque nom qu'il a tiré du Coran, il va citer les versets avec les passages. Il va citer les versets. Et pour chaque nom qu'il va tirer de hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va citer les hadiths. Et il va aussi annoter. Il va annoter et donner, par exemple, certains avis quand parfois il y a divergence entre les savants sur un nom. Pourquoi ? Parce que certains ont recensé un nom comme étant parmi les noms divins et d'autres n'ont pas été de cet avis. Et parfois, il stipule son avis et sur quoi il s'est basé. Et vous allez voir que dans le Coran, nom divin qu'il va tirer du Coran. Ensuite, après qu'il fait sa recherche dans le Coran, il va citer des hadiths dans la sunna du prophète, qu'il va tirer de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sunna du prophète, il va en tirer 18. À la fin, sa conclusion, c'est qu'il va trouver 18. 18 noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans, qu'il n'a pas trouvé dans le Coran. Et il va citer justement dans l'explication les hadiths. Avant de les mentionner, donc il dit, je me suis efforcé de les réunir par rapport à son observation du Coran et de la Sunna. Et dans l'explication, il va l'expliquer. Dans l'explication, il dit, قَدْ أَكُونُ مُصِيبًا أَوْ مُخْتِئًا. Dans l'explication, il dit que lui, ce qu'il va réunir comme nom divin, c'est ce qui lui apparaît à lui, après son observation. Après, il dit, dans l'explication, je peux avoir eu bon, comme je peux me tromper. Je peux أَنْ أَكُونَ مُصِيبًا أَوْ مُخْتِئًا. لَكِنْ لِيُعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْكِتَابِ. Mais qu'il sache, il doit s'adresser au lecteur, celui qui prend connaissance du livre, et dire voilà qu'il ne yurlam, qu'il sache anna hada al-kitab qara'nahu 'ala samahat al-sheikh Abdel Aziz ibn Baz. Il dit le livre on l'a lu à Sheikh Ibn Baz. Donc le lecteur qui sache que ça a été lu à l'éminent illustre savant Sheikh Abdel Aziz ibn Baz. Qira'atan muta'anniyatan 'ala infirad. Et dit ça lui est lu d'une lecture apaisée, d'une lecture tranquille. En quelque sorte avec mes mots à moi, muta'anniyatan, sans précipitation littéralement si vous préférez. D'une lecture sans précipitation. 'Ala infirad, en comité restreint. Je ne sais pas si Cheikh il veut dire il était lui avec Cheikh Ibn Baz entre eux, mais en tout cas c'est ce qu'on comprend. En comité vraiment restreint. Et dit Cheikh lam yunkir hadha ash-shay' alladhi dhakarnahu min al-asma. Et dit Cheikh Ibn Baz n'a rien désavoué de ce qu'on lui a cité. Il n'a rien désapprouvé. Lam yunkir, il n'a pas désapprouvé ce que lui a cité Cheikh Ibn Uthaymeen comme nom parmi les noms divins qu'il a trouvé. Attention, si Cheikh Ibn Uthaymeen il prend comme référence Cheikh Ibn Baz, parce que Cheikh Ibn Baz est considéré parmi les contemporains, les grands savants d'aujourd'hui disent que Cheikh Ibn Baz est l'imam hadha zaman. Fi hadha zaman, parmi les savants contemporains, imam, trouvé plus savant. Fi l'ilm, dans le savoir, fi l'akhlaq, dans le comportement, dans la mémorisation, fi al-fatwa, dans al-suluk, dans al-amal, ou al-ibada, dans sa dévotion, dans la moralité, dans l'enseignement, dans l'apprentissage, fahada imam. Imamun kabir. Les grands savants, c'est ses contemporains, ont témoigné de cela, et témoignent de cela. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Athaymin, lorsqu'il dit cela, il dit, je peux avoir raison, comme je peux me tromper, mais que le lecteur sache que cela est élu à Samahat al-Sheikh ibn Baz. Pourquoi? Parce que Imam hadha zaman. Et Cheikh ibn Baz est l'un des plus grands spécialistes fi ulum al-aqida, fi hadha zaman. L'un des plus grands spécialistes dans la science du dogme et de la croyance. Et donc, regardez, c'est pas n'importe qui prend référence Cheikh ibn Baz, c'est Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit qu'on a lu cela à Cheikh ibn Baz. Et il dit, Cheikh n'a rien désapprouvé de cela. فَيَكُنْ هُنَكَ اتِّفَاقٌ بَيْنِ وَبَيْنَهُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَى صَحِحَةٌ. Vous savez ce que dit ensuite Cheikh Ibn Uthaymeen? Donc là, on est dans son commentaire. Il dit, فَيَكُنْ هُنَكَ. Alors, on peut considérer cela, avec mes mots à moi, il dit, on peut considérer cela, اتفاقٌ, comme un accord entre moi et le Cheikh sur l'authenticité de ces noms. Il y a un accord, à savoir que fil mamlaka du vivant de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen, c'était les deux grandes références. Il y avait de grands savants à l'époque, minhayt kibal al-ulama. Mais Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen font partie des grandes références de mamlaka qu'il y avait en leur époque. Et donc Cheikh Ibn Uthaymeen dit que sache le lecteur qu'on peut considérer ça comme un accord entre moi et Cheikh Ibn Baz sur l'authenticité de c'est non. C'est-à-dire, on est d'accord. Et ici, Shir nous explique que Shir ben Baz est d'accord sur l'authenticité de cela. وَرَعَيْنَا فِي تَرْتِيبِهَا عَلَى الْحُرُوفِ الْهِجَائِيَّةِ لَا الْحُرُوفِ الْأَبْجَادِيَّةِ. Et donc, il va dire que ensuite, comme vous allez voir, qu'il va citer les noms d'Allah Azzawajal selon un ordre, selon l'ordre des lettres. Selon l'ordre des lettres qu'on appelle Al-Hijaiya, les lettres de l'alphabet, qu'on appelle Al-Hijaiya, et non selon l'ordre Al-Abjadiya. Tayyib. Alors il commence, et dit Min Kitabillahi Ta'ala. Min Kitabillahi Ta'ala. Donc déjà, on les cite. On les cite, on les écoute, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que Shir a réunis à travers son observation du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, on les cite comme il les cite dans le matn, dans son écrit et son œuvre. Il dit « Wa min kitabillahi ta'ala » et donc, à partir du livre du noble Coran, du livre d'Allah. « Qala » Allahu. Le premier qui cite, Allah. Vous allez voir ensuite dans le commentaire, il va expliquer. Donc il cite le premier, nous on va les citer comme il les a cités. Allahu. Al-Ahadu. Al-A'la. Al-Akram. Al-Ilahu. Al-Awwal. Al-Awwalu. Wal-Akhiru. Wal-Zahiru. والباطن والبارئ والبر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. Là, c'est la liste tirée du Coran. Donc ça, c'est les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que Cheikh il a réuni et tiré du Coran. Comme on a dit, il y en a à peu près 81, plus exactement, qu'il a tiré du Coran. Ensuite, de la sunna du prophète, des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Il dit Al-Jamilu, Al-Jamilu, Al-Jawad, الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. Ça, c'est les 18 qu'il mentionne d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Si maintenant vous regardez dans l'explication, mettons dans son explication, il va mentionner les preuves. Il va mentionner les preuves concernant les noms. C'est-à-dire, à chaque fois dans l'explication, il va mentionner, par exemple, ce qu'il a tiré du Coran, les versets. Par exemple, il a commencé par Allah, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, par exemple, Al-Ahadu, dans le verset fi qawlillahi ta'ala, قل هو الله أحد الأحد قل هو الله أحد أحد. Vous avez vu أحد, et là de ce verset il tire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il déduit que أحد fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. الأعلى, à travers le verset سبح اسم ربك الأعلى. الأكرم, dans le verset اقرأ وربك الأكرم اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. Al-Akram fait partie des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset Allahu la ilaha illahu, la ilaha, ilaha, ilaha fait partie des noms divins. Al-Ilah, c'est tiré du verset aussi wa ilahukum ilahun wahid, wa ilahukum ilahun wahid. Dans ce verset on a ilah, et donc il déduit de ce verset, Ilah considère qu'il fait partie des noms divins. Donc on a Al-Ilah aussi. On a les quatre liés ensemble, qu'on retrouve les quatre ensemble dans un verset. Al-Awwalu wal-Akhiru wal-Zahiru wal-Batinu. Dans le verset, les qawlillahi ta'ala où Allah dit Huwa al-Awwalu wal-Akhiru wal-Zahiru wal-Batinu. Wa ata bil-Wawi li-ifadati al-Jam'i bayna hadhihi المتقابلات يعني لم يقل الأول الآخر الظاهر والباطن. Et Cheikh dans l'explication il insiste bien sur Allah Jalla wa Ala ne les a pas cités comme ça, الأول الآخر الظاهر والباطن, mais il a cité le waw. Allah est الأول الآخر الظاهر والباطن wa, il dit Allah est الأول et waw الآخر واو الظاهر اي واو الباطن. الأول والآخر كأنه قال ومع كونه أولا فهو آخر, والعادة أن الأول في الوجود يسبق ما بعده في العدم, يسبق ما بعده في العدم. ولهذا يستغرب الناس مثلا إذا مات الصغير قبل الكبير ويقولون السابق بالوجود أحق بالسبق بالعدم, لكن قال هو الأول مع ذلك هو الآخر, فتكون الواو هنا زيادة في التوكيد, زيادة في التوكيد. Et ce qu'il explique, c'est très très pertinent, très moufide, il dit que le waw, lorsqu'il dit waw, ça rajoute ziyadatan, ça ajoute du sens dans التوكيد, dans l'affirmation que Allah est certes bien الأول, le premier, والآخر, le dernier, والظاهر, l'apparent, والباطن, le caché. Mais il est cité dans un texte, même en الأول, الأول, le premier, c'est dans le sens فليس قبلك شيء, il n'y a rien avant lui, puisqu'on dit الأول, Allah, on dit dans l'invocation فليس قبلك شيء, il n'y a rien avant toi, il n'y a rien avant toi. Le dernier dans le sens, il n'y a rien après lui. Allah est le premier et le dernier. Il n'y a rien avant lui et rien après lui. Ensuite, il a cité le nom Al-Bari'u. لقوله تعالى وهو الله أو plutôt هو الله الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ. Dans ce verset Allah dit et c'est lui Allah الخالق le créateur البارئ البر. Ensuite il cite le nom البر لقوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Dans ce verset, c'est le verset 28 de la sourate At-Tur. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. De ce verset, on a le nom إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Et de là, on a le nom Al-Barr. Inna kunna min qablu nad'uh. Innahu huwa al-barru ar-rahim. Vous entendez, hein? Al-Barru, il est certes Allah Azza wa Jal, Al-Barru ar-rahim. Et donc, on a deux noms. On a deux noms à ce moment-là. Mais là, il cite le nom le bas. Là, vous avez vu, il a d'abord cité les alif, al-ahad, al-a'la, al-akram, al-ilah, al-awwal, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batinu. Il les fait suivre. Al-zahiru, wal-batinu. Pourquoi? Parce qu'ils sont cités ensemble. Les quatre, ils sont cités ensemble. Ensuite, il a commencé les ba. Al-bari'u. Ensuite, al-barru. Qui cite ensemble? Al-basir. Vous avez vu, on est dans les noms qui commencent par la harf ba. Al-basir. وهو السميع البصير comme dans le verset وهو السميع البصير. Ensuite التواب التواب celui qui accueille le repentir. وانا Allah dit dans le Coran وانا التواب الرحيم. Allah dit qu'il est التواب الرحيم. Donc التواب fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces noms الجبار Al-Jabbar, tiré du verset Al-Aziz ou Al-Jabbar ou Al-Mutakabbir. Fait partie des noms Al-Jabbar. On a Al-Hafiz. Al-Hafiz, parmi les noms d'Allah. Fallahu khayrun hafiza, wa huwa arhamur rahimin. Tiré du verset 64 de la sourate Yusuf, comme on vient de citer. Qu'Allah khayrun hafiza, c'est le meilleur protecteur, traduction relative. Si vous voulez, j'ai même la liste en, on a la liste en français, j'ai la traduction, et même dans la traduction du livre, il y a la traduction des noms. Est-ce qu'il est pertinent de les traduire? Allahu a'lam. Le mieux, c'est d'apprendre le sens. Le mieux, c'est ensuite de prendre des livres où les savants expliquent le sens de ces noms. C'est-à-dire d'avoir une compréhension du nom par rapport au sens. Une compréhension du nom par rapport au sens. Je vous donne l'exemple. Par exemple, Al-Qayyum. Certains traducteurs disent Al-Qayyum, c'est très difficile de le traduire. Al-Qayyum, pourquoi? Parce que Al-Qayyum, c'est celui qui se passe de tout, qui n'a besoin de rien, mais tout a besoin de lui. Mais tout a besoin de lui. Comme ils disent, Al-Qayyum, équivalent en français, il signifie celui qui a besoin de rien alors que tout a besoin de lui. Donc ensuite, il faudrait trouver un mot pour Al-Qayyum, pour un mot qui englobe ce sens-là. Le sens que lui n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala, fa innahu huwa al-qayyum, mais tout a besoin de lui. Vous avez vu, c'est très difficile. À partir du moment qu'on a compris, c'est ça le principal. Alors parfois on peut essayer d'émettre un mot en français, et puis parfois, tant qu'on a compris le sens, c'est le principal. At-Tawwab, on a dit, ils disent l'accueillant au repentir. Comme on a dit, c'est celui qui accepte le repentir. Si on veut émettre une traduction pour une approche, on va dire, pour comprendre le nom. Falabas, il n'y a pas de mal. Al-Basir, Inch'Allah. Al-Basir, le clairvoyant, souvent traduit par le clairvoyant. Al-Jabbar, tiré du, comme on l'a dit précédemment, du verset Al-Aziz ou Al-Jabbar. Al-Jabbar, certains le traduisent par le contraignant. Certains, dans certaines traductions, vous voyez le très imposant. Al-Jabbar. Ensuite, on est arrivé Al-Hafidhu. Al-Hafidhu. Fallahu khayrun hafidha. Puisque dans le verset, il est dit Allah est le meilleur hafidh. Et de là, vous avez vu, les savants ont tiré du fait que, on déduit que hafidh fait partie des noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hafidh, certains le traduisent par le bienveillant, le gardien. Bienveillant, le gardien. On avait cité Al-Hasib. Cher ensuite, vous avez vu, on est dans les Ha. Ha. Al-Hasib. Par rapport au verset 6 de la sourate An-Nisa. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi hasiba. Certaines traductions disent celui qui est prompt dans les comptes. Prompt dans les comptes. Hasiba. Ensuite, Al-Hafi. Al-Hafi. Innahu kana bi hafiyan. Innahu kana bi hafiyan. Dans la sourate Maryam, le verset, dans la sourate Maryam, le verset 74. Innahu kana bi hafiyan. Et vous avez vu, innahu, certes, il est pour moi hafiyan. Hafiyan. Là, Shir, il va faire une annotation. Il va dire pour le nom Al-Hafi, j'ai eu une hésitation. Shir, il dit qu'il a hésité. Wahada indi mahal ishkal. Pourquoi? Parce que pour lui, il y avait une problématique. Pour lui, il y avait une problématique. لأنه قد يقال إنه من الأفعال وليس من الأسماء. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas forcément un nom. Ça fait partie des actes. Mais pas, ce n'est pas forcément un nom. Mais plutôt الأفعال. حيث جاء مقيدا وسنذكره فيما بعد. Il dit qu'ensuite il va citer cela dans ce qui va suivre. Pour Al-Hafi, donc, il dit qu'il a eu une hésitation. Ensuite, Al-Haqq. Al-Haqq, ça, c'est, il l'a tiré du verset dans Sourate Al-Hajj 62. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Allah est Al-Haqq. وَيَعْلَمُونَ أن الله هو الحق المبين. Et donc il y a des versets qui sont clairs où Allah dit cela parce que Allah est le haq. C'est le haq. Donc chez les savants, il est clair que al-haq fait partie des noms sublimes d'Allah. Parmi ces noms, al-mubin. Al-mubin. Et là on a vu que al-mubin, il suit le nom al-haq dans le verset anna Allaha huwa al-haq al-mubin. Al-mubin. Ba'd al-haq ma'a anna al-mim laysat ba'd al-ha. Et donc il a cité al-mubin alors que là il est dans les ha. Al-haq. Alors que le mim c'est pas après le ha. Mais dit les anna qurinat fil Qur'an jami'an. Pourquoi? Parce qu'il a cité que le mubin, il a trouvé que il est venu après al-haq. Il est venu après al-haq. Et donc il dit il a fait comme pour al-hayyu al-qayyum et comme pour al-awwalu wal-akhiru wal-akhiru wal-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Ensuite, après le mubin, il a cité, donc Mubin, il l'a mis dans le mime parce qu'il a suivi Al-Haq. Ensuite, parmi les noms, Al-Hakim. Al-Hakim, ou Al-Adillatu alayhi kathira. Là, il n'a pas cité de verset parce qu'il dit, hein, il y a beaucoup de versets. Al-Hakim. Ensuite, Al-Hakim, il a cité Al-Halim. Al-Halim. Et qu'il ta'ala, wa Wallahu ghafurun halim. Pourquoi il le cite? Parce qu'on a un verset clair où Allah dit qu'Allah il est Ghafour et il est Halim. Ensuite, parmi les noms d'Allah aussi, Al-Hamid. Al-Hamid, comme dans le verset, Ila Sirat Al-Azizi Al-Hamid. La voie, le chemin d'Al-Aziz Al-Hamid. Parmi les noms d'Allah aussi dans le Coran, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Al-Qayyum fi ayat al-Kursi, comme on voit dans ayat al-Kursi. Parmi les noms sublimes d'Allah aussi, dans le Coran, Al-Khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-Khabir, dans le verset. Parmi les noms d'Allah, Al-Khaliqu. Vous avez vu, on est dans les lettres Kha. Al-Khaliqu, comme dans le verset, huwa Allahu al-Khaliqu. Parmi les noms d'Allah, Al-Khalaq, Al-Khalaq. لقوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم هو الخلاق العليم. Il le recense parmi les noms d'Allah, puisqu'Allah dit bien Allah est certes Al-Khalaq bil-Kha. Al-Khalaq al-Alim. Dans la lettre Ra, il cite, parmi les noms d'Allah dans le Coran, Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf, le qawlihi ta'ala, innahu bihim ra'ufun rahim. Il est certes pour eux Ra'uf. Donc, on voit clairement qu'il fait partie des noms sublimes, et il est Rahim. Parmi les noms d'Allah dans le Coran, par la lettre Ra, الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. Par rapport de manière connue hein, à travers le verset بسم الله الرحمن الرحيم. Parmi les noms d'Allah commençant par la lettre Ra qu'on trouve dans le Coran, il cite الرزاق لقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذُلْ قُوَّةِ الْمَتِينَ. Il dit, dans le Coran, le nom qu'on retrouve c'est Ar-Razzaq, et c'est pas Raziq. Il dit, c'est pas Raziq qu'on retrouve. Et Isma, il dit c'est Ar-Razzaq, wa huwa ablaghu min Ar-Raziq, bism al-fa'il. وليس في القرآن ذكر الرازق بل الرزاق. Donc il dit dans le Coran on retrouve pas الرازق, puisque الرازق c'est l'ism fa'il de celui qui يرزق, de celui qui octroie la subsistance. Mais ce qu'on retrouve c'est الرزاق, c'est le sens il est plus fort, ablar. Parmi les noms d'Allah qu'on retrouve dans le Coran, il commence par la lettre Ra. Al-Raqibu, Al-Raqibu, à travers le verset, وكان الله على كل شيء رقيبا. Ensuite, il commence avec la lettre Sin. Parmi les noms d'Allah qu'on trouve dans le Coran, As-Salam, As-Salamu, As-Salamu fait partie des noms d'Allah qu'on trouve dans le Coran. As-Salamu al-Mu'min. Parmi les noms d'Allah, dans le Coran, commence par la lettre Sin, As-Sami'a. Et là, il n'a pas cité de preuve, il dit elles sont nombreuses. Les versets sont nombreux où il y a la mention As-Sami'a. Parmi les noms d'Allah, maintenant la lettre Shin, après le Sin. On retrouve dans le Coran Ash-Shakir, Ash-Shakir. Li qawlihi ta'ala wa kana Allahu shakiran alima. Shakiran aliman. Et dans le Coran, il est clairement dit et Allah est Shakir. C'est pour ça que les savants ensuite disent Shakir fait partie des noms d'Allah, puisque ici c'est bien qu'on cite les preuves que nous mentionne le Cheikh. Pourquoi? Parce qu'on apprend à reconnaître comment les savants reconnaissent que c'est un nom d'Allah. Allah dit par exemple pour le Shakir, Allah est Shakir. Wa kana Allahu Shakiran. Et Allah est Shakir Aliman. Donc les savants disent Shakir, si Allah dit qu'il est Shakir, c'est que ça fait partie de ses noms. Ça fait partie de ses noms. Ash-Shakir. Mais aussi on a la lettre Sin, Ash-Shakur. On a Ash-Shakir et on a Ash-Shakur. Ash-Shakur. Li qawlihi ta'ala, innahu ghafurun shakur. Il est certes ghafurun shakur. Parmi les lettres Shin, les noms qui commencent par Shin qu'on retrouve dans le Coran, c'est Ash-Shahidu. Ash-Shahidu. Dans le verset Wallahu ala kulli shay'in shahid. On a aussi, maintenant il commence la lettre As-Sad. Sad. On a le célèbre nom As-Samad. As-Samad. As-Samadu, les qawli ta'ala, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allahu as-samad. Parmi les noms d'Allah qu'on retrouve maintenant lettre Al-Ain, Al-Alimu. Al-Alimu fait partie des noms d'Allah qu'on retrouve dans le Coran, comme stipule l'auteur, dans le verset de Surat Al-Anbiya, le verset 81, wa kunna bi kulli shay'in alimin. Wa kunna bi kulli shay'in alimin. طيب. Il dit ولا يصرح أن يقال عالم الغيب لأنه مضاف والعالم غير مضاف. Et lui il fait la notation qu'il n'a pas cité عالم الغيب. Dans le verset, il y a des versets il dit وهو عالم الغيب. Il est le connaisseur, le savant de l'invisible, celui le sachant de l'invisible, al-ghayb, de l'inconnu. Il n'a pas cité ce verset-là. Pourquoi? Parce que là, il est mudaf. Il est lié à connaisseur de l'invisible. Il est lié à l'invisible. Donc il dit, voilà, alimu ghayru mudaf. Tandis que là, alimin, il n'est pas lié. Là, il n'est pas lié. Wa kunna bi kulli shay'in alimin. Ensuite, toujours, on est toujours sur la lettre Aïn, la lettre Aïn, il dit Al-Azim. Al-Azim, ça aussi, il ne va pas citer de verset. Pourquoi? Parce que les versets sont nombreux. On l'entend souvent le nom dans le Coran, Al-Azim. On a le nom dans le Coran avec la lettre Aïn. Il en reste encore trois avec la lettre Aïn. Al-Afou. Li qawlihi ta'ala, fa inna Allah kana afouan qadira. Donc, Al-Afu, qui est cité dans le verset 149 de la Sourate An-Nisa. Parmi les noms d'Allah cités dans le Coran, moi je ne l'ai pas là. Dans le Sharh, Al-Alim. Ah, Mashallah, oui, Al-Aziz. Subhanallah. Subhanallah. J'ai oublié le Al-Aziz. Arsent. Al-Azizu. Avec la lettre Aïn. Vous avez vu, avec la lettre Aïn, il y en a plusieurs. La Cheikh, il en mentionne 1, 2, 6. Avec la lettre Aïn. Al-Alim. Ensuite, Al-Aziz, que j'ai omis de citer. Et Cheikh, pour Al-Aziz, il dit qu'il n'a pas cité les preuves, elles sont nombreuses. Al-Azizu, dans le Coran, on l'entend souvent dans différents versets. Wahu al-Azizu al-Hakim. Wahu al-Azizu al-Hakim. Ensuite, c'est là qu'il cite al-Azim. De même, les preuves sont nombreuses, mais il cite Ayatul Kursi. Al-Azim, plutôt, c'est pour l'Aziz qui dit que les preuves sont nombreuses. Et pour al-Azim, il a dit que il est cité dans Ayatul Kursi. Ensuite, on a cité al-Afu dans les noms qui commencent par la lettre Aïn. Et encore, parmi les noms qui commencent par la lettre Aïn, qu'on a dans le Coran, Al-Alim. La différence avec le premier, on a Al-Alim, Al-Alim et Al-Alim maintenant. Et ça, on le retrouve souvent dans le Coran, dans différents versets. Pour ça, il n'a pas cité le verset, dit sont nombreux. On a aussi, avec la lettre Aïn, Al-Aliyu. Al-Ali. Vous avez vu, des fois je cite la Dhamma à la fin et des fois je m'arrête, je la cite pas, on peut le dire. Al-Ali, si on ne cite pas la Dhamma à la fin, si on veut tout citer pour bien faire comprendre, pour les apprendre, puisque là on est dans une phase d'apprentissage. Al-Aliyu fi ayatul kursi. Et ça on le retrouve dans le verset de Al-Kursi. Ensuite, avec la lettre Rain, Al-Rain, on a dans le Coran Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Wa ma baynahum al-Aziz al-Ghaffar. Comme dans le verset de Sad, le verset 66. Il a cité un autre verset aussi dans Sad Taha. Parmi les lettres Rain aussi, on a Al-Ghaffar, comme on vient de citer, on a Al-Ghafur. Al-Ghafur. Dans le verset Wallahu Ghafurun Rahim. Et il dit les trois noms Al-Ghaffar ou Al-Ghafur. Il dit Anna Al-Ghaffar bi'atibari kathrati man yaghfiru la. Lorsqu'il est dit Al-Ghaffar, ça fait référence du fait à tous ceux à qui il pardonne. Ça fait référence, il dit bi'atibari kathrati man yaghfiru lahu. Man yaghfiru lahu. Ça fait référence à la multitude de ceux qu'Allah Azzawajal dont il leur pardonne. Dont il leur pardonne. Pour cela, ça peut être traduit par exemple, le grand pardonneur. Souvent, il est traduit par le grand pardonneur dans les traductions. Exactement, le grand pardonneur. Ici, je regarde comment ils l'ont traduit. L'infini pardonnant. L'infini pardonnant. Donc souvent traduit par le grand pardonneur. Comme on l'a cité précédemment. Et il dit Al-Ghafur bi'atibar al-wasf. Par rapport au wasf. L'information au sujet d'Allah qu'il est le pardonneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est traduit par le pardonneur. Al-Ghafur. On a avec la lettre Rain aussi les noms qu'on trouve dans le camp Al-Ghani. Al-Ghaniyu. Al-Ghaniyu. Wallahu Al-Ghaniyu Al-Hamid. Al-Ghaniyu Al-Hamid. Et Al-Ghani, souvent il est traduit, il est expliqué comme étant celui qui se suffit à lui-même. Al-Ghaniyu. Celui qui se suffit à lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous cite un nom avec la lettre Fa. Al-Fattah. Al-Fattah. Dans le verset, Wa huwa al-Fattahu al-Alim. Taïb. On a aussi, maintenant avec la lettre Al-Qaf, le Qaf, Al-Qadiru, Al-Qadir. Il a cité des versets. Et on a aussi Al-Qahiru, Al-Qahiru. Donc on a Al-Qadiru, Al-Qahiru, parmi les noms avec la lettre Qaf. Mais il va citer d'autres. On a Al-Quddus, comme dans le verset Al-Malikul Quddus. On a Al-Qadir. Donc tout à l'heure c'était Al-Qadir, Al-Qadir. Là c'est Al-Qadir. Dans le verset Wa huwa al-alimul qadir. Comme pour tout à l'heure, al-alimu wal-alimu. Là on a al-qadiru wal-qadiru. Parmi les noms d'Allah qu'on trouve dans le Coran avec la lettre Qaf, al-qaribu. Al-qarib, dans le verset innahu sami'un qarib. On a aussi al-qawiyu. Al-qawi, le fort. Liqalihi ta'ala, wa huwa al-qawiyu al-aziz. On a un autre avec la lettre Qaf, al-qahhar. Dans le verset lillahi al-wahid al-qahhar. Dans la sourate Ibrahim, le Ibrahim, le verset 47. Et donc la lettre Qaf, il en a quand même mentionné 7. 7 noms tirés du Coran, avec commençant par la lettre Qaf. Ensuite, il va citer 2 noms avec la lettre Kaf. Al-Kabir. Al-Kabiru. Qu'on retrouve dans le verset Al-Kabirul Muta'al. Et il va citer Al-Karim. Al-Karimu. Qu'on retrouve dans le verset فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Ensuite, on a Al-Latif, qu'on retrouve dans les versets وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Parmi les noms d'Allah qu'on retrouve dans le Coran, Al-Latif. On a Al-Mu'min. Al-Mu'min, dans le verset As-Salamu, on avait déjà vu ce, dans la lettre Sin, le nom As-Salam. As-salam. Et ensuite on a As-salamu al-mu'min. Donc al-mu'min fait partie des noms d'Allah. Et on retrouve cela dans la sourate al-hashr. Dans la sourate al-hashr. On a le nom al-muta'ali. Dans le verset qu'on a lu précédemment lorsqu'on a cité le nom al-kabir. Le verset al-kabirul muta'al. Dans la sourate du tonnerre, al-ra'd. On a le nom Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, pareil dans la sourate qu'on vient de citer, Al-Hashr. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. On a Al-Matin. Al-Matin, qu'on retrouve dans le verset Dhul Quwwatil Matin. Donc là, on est maintenant dans les mimes. Puisque dans les mimes, on a cité Al-Mu'min, Al-Muta'ali, Al-Mutakabbir, Al-Matin, et là Al-Mujib. Al-Mujib, qu'on trouve dans le verset Inna Rabbi Qaribum Mujib. On a le nom Al-Majid, avec les mimes aussi, toujours Al-Majid, dans le verset Dhul Arsh Al-Majid. Et il a cité aussi un autre verset pour le nom Al-Majid. On a toujours dans les mimes Al-Muhit. Al-Muhit. لقوله تعالى وكان الله بكل شيء محيط. On a, donc je pense on va faire les, on termine sur les mimes et on continuera demain, je pense. On va terminer sur les mimes, puisque sur les mimes aussi là cité, il y a beaucoup de noms en mime. Il a cité 14. Il a cité 14 noms commençant par la lettre mime. Donc on avait cité le muhit, on s'est arrêté sur là, Et comme tout à l'heure, on a cité surat al-Hashr, al-Musawwir. Et donc, vous avez vu dans surat al-Hashr, il y a la mention de différents noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a parmi les noms d'Allah, al-Musawwir. On a al-Muqtadir. Dans le verset, في مقعد صدق عند مليك مقتدر في سورة القمر هنا المقيت وكان الله على كل شيء مقيتا مقيت المقيت fait partie des noms d'Allah aussi qu'on retrouve dans le Coran toujours avec les mimes aussi المليك المليك vous avez vu là sans prolongation المليك que vous pourrez retrouver aussi dans la sourate Al-Hashr, comme on a cité tout à l'heure. La sourate Al-Hashr. Pourquoi il est dit Al-Malikul Quddus. Al-Malik. Pas trop, pas Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik. Et Qawlihi Ta'ala Al-Malikul Quddus. Dans la sourate Al-Hashr, comme on a dit. Et on a aussi Al-Malik. Vous avez vu la différence Al-Malikou. Al-Malik. والملك والملك donc الملك والملك parmi les mimes aussi المولى المولى fait partie des noms d'Allah dans le verset il a déduit du verset les savants déduisent de نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم Al-Nasir. Et le dernier nom qu'il a cité dans la lettre Mim, hein, pas parmi les derniers, dans la lettre Mim, Al-Muhayminu. Al-Muhaymin. Et aussi tiré de la sourate Al-Hashr. Tiré de la sourate Al-Hashr. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on continuera demain. Inch'Allah, bi'ilillahi subhanahu wa ta'ala. De si ils divergent par exemple comme on verra quand Shir par exemple il va citer des noms tirés des hadiths il va citer des noms tirés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam on verra que parfois certains savants ont divergé sur un nom par exemple ont divergé sur par exemple Ar-Rafiq comme on le verra et d'autres parfois, certains savants l'ont considéré parmi Al-Asma Al-Husna et d'autres savants n'ont pas considéré parmi Al-Asma Al-Husna comme il va évoquer. Comme il va évoquer dans cela, dans ce qui va venir, Inch'Allah. Donc, si parfois, ça peut arriver, par exemple, que certains savants ont pu diverger sur un nom. Certains, par exemple, sur le texte, ils le considèrent parmi les noms divins, et puis d'autres savants ne considèrent pas parmi les noms divins. Donc ça peut arriver sur certains noms. Ça peut arriver, comme on verra, on verra ça dans ce qui va suivre. Sauf que la question est très pertinente, bonne question. Si maintenant une personne dit, et certains l'ont dit, certains le disent, et disent donc, regardez, vous dites qu'il n'y a pas de divergence dans la aqida, dans la croyance. Pourtant, là on est dans une question de croyance, parmi les noms d'Allah Azzawajal, et les savants peuvent diverger par exemple sur l'affirmation d'un nom. Est-ce que par exemple Ar-Rafiq fait partie des noms d'Allah? At-Tayyib, par exemple, ce qui fait partie des noms d'Allah. Et on peut trouver par exemple divergence entre les savants, par exemple, qui le considèrent parmi les noms sublimes d'Allah Azzawajal, min al-asma al-husna, et d'autres savants qui ne considèrent pas parmi l'asma al-husna. Et donc certains vont dire, regardez, il y a une divergence dans la croyance, vous dites qu'il n'y a pas de divergence dans l'aqida, dans les questions de croyance. Or, la personne qui pose une telle question, ou qui revendique une telle chose, c'est qu'il n'a pas compris la croyance des gens de la sunna, ou les grandes questions de croyance dans ce sens. C'est-à-dire, les savants n'ont pas divergé dans la question de base, C'est-à-dire, eux n'ont pas compris les questions de base. Les questions de base. Les savants, la question de base qui a été traitée et la question qui est, dont il y a divergence entre les savants de la Sunna et d'autres issus des doctrines émergentes plus tard dans le monde musulman, la divergence est sur l'affirmation, par exemple, des noms divins. Par exemple, à l'apparition de la doctrine del Jahmiya, ils ont nié les noms divins. Ahl Sunna wal Jama'a affirme les noms divins. Donc la divergence qu'il y a, c'est sur l'affirmation des noms divins. Les gens de la Sunna, les grands savants de la Sunna, ne divergent pas sur cette base. C'est ça la croyance des gens de la Sunna, c'est l'affirmation des noms et des attributs. Sauf qu'ensuite, le fait que les savants peuvent diverger sur un nom ou quelques noms en considérant que ce terme qu'on retrouve dans la Sunna, par exemple, certains vont le considérer comme un nom et d'autres non. Et d'autres ne vont pas le considérer comme un nom. Ça ne veut pas dire qu'ils divergent sur Al-Asl, sur la base, sur la question de croyance. Ils sont d'accord. Min aqidati ahl sunnati wal jama'a ithbat al-asma wa sifat. Parmi la croyance des gens de la Sunna, confirmation des noms et des attributs. Ils sont unanimes sur ça. Celui qui vient et dit non, je n'affirme pas les noms d'Allah, alors ça c'est une hérésie. C'est différent d'affirmer les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis par exemple, un nom qu'on retrouve dans un hadith, par exemple par rapport à la compréhension de la langue arabe, un savant peut dire non, ça ne fait pas partie des noms. Ce mot-là, on ne peut pas l'attribuer comme nom. Ça arrive, comme on va le voir. C'est ensuite, on va l'étudier lorsqu'on va arriver à certains noms dans la Sunna. Et même lui, Shir, va l'expliquer dans certaines de ses fatwas. Donc vous comprenez la différence. Une personne qui dit, regardez, ils ont divergé. Oui, ils peuvent diverger sur l'affirmation d'un nom. Parce qu'ensuite, on revient dans la langue arabe, etc. Mais non, pas diverger, fait l'asl. Dans la base, la croyance des gens de la Sunna, c'est quoi? C'est ithbat al-asma wa sifat. C'est ça là. Affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sur ça, c'est clair. Vous comprenez? Barakallahu fik pour la question. On peut conclure? La différence entre les noms et les attributs, il est dit que les attributs bab sifat awsa bab al-asma, le domaine des attributs est plus vaste que le domaine des noms. Si tu veux, les attributs sont tirés des noms. C'est-à-dire, ou plus de manière plus précise, chaque nom indique un attribut. Par exemple, Ar-Rahman indique l'attribut de la miséricorde. Ar-Rahma. As-Samir indique l'attribut de Sama. Al-Basir indique l'attribut de Al-Basar. Donc chaque nom, il indique l'attribut. Lorsqu'est apparue la doctrine de Al-Mu'tazila, cette doctrine lorsqu'elle est apparue dans le monde musulman, eux, ils ont réfuté le Jahmiya dans les noms, puisque le Jahmiya, lorsqu'ils ont émergé, ils ont réfuté aussi bien les noms et les attributs. Al-Mu'tazila, lorsqu'ils vont émerger, ils vont affirmer les noms, donc ils vont réfuter Al-Jahmiya en affirmant les noms, mais ils vont dire, par contre, les attributs, on ne les affirme pas. Et donc, les gens de la Sunna s'accordent pour dire que chaque nom implique ou induit plutôt, indique un attribut. De chaque nom, il y a un attribut. Sauf que parfois, il peut y avoir des attributs, on n'a pas forcément le nom. L'attribut dont, par exemple, on a l'attribut de Al-Kalam, la parole. Mais on n'a pas, vous avez vu, dans les noms d'Allah Azzawajal, pourtant Al-Kalam, l'attribut du Kalam, il est cité dans le Coran. Wa kallamahu Rabbu. Wa kallamallahu Musa takliman. Dans ces versets, on voit qu'Allah, il a l'attribut de la parole. Pourquoi? Parce qu'Allah dit, et Allah a parlé. Par contre, on n'a pas le nom. C'est pour ça que le domaine des attributs est plus vaste. Donc parfois on a des attributs, c'est-à-dire ce sont des actes qui sont attribués au Créateur dont on n'a pas forcément le nom. Le nom serait Al-Mutakallim. Sauf qu'on a dit, on peut informer au sujet d'Allah en disant qu'il est Mutakallim, mais il ne fait pas partie des noms sublimes d'Allah. Mais par contre, Allah, il a l'attribut de la parole. Ça fait partie des différences entre le Asma ou Sifat. Parce que là, si vous avez remarqué, là, l'auteur a commencé des règles concernant les noms. Mais ensuite, il va mentionner les règles concernant les attributs. Là, la première partie du livre, si vous avez pu remarquer, constatez que ce sont des règles concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Vous avez vu toutes les règles qui ont précédé, qu'ils sont A'lam, les noms d'Allah, ils sont Tawqifiyya, etc. Tout ça, c'est des règles liées au nom d'Allah. Ensuite, il y aura une autre partie du livre qui sera considérée Al-Qawa'id fi Sifat, les règles concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal qui va venir. Wallahu A'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم